Je suis différent, c'est pas un scoop. Les hops, c'est le feu et le bouc. Toi et moi si on doit en découdre. Mais le diable n'est pas à l'extérieur. La victime c'est celui qui shoot. Pas facile d'appeler à l'aide. L'enfant que j'étais il est dead. Toujours le cul entre deux chaises. Comme celui qui baise à Tolflet. Si je lis j'avais peur qu'elle fan. Je voulais rien savoir, moi j'ai tatoué la fleur. Et toujours le menton levé. Même si c'est fort, c'est gros, c'est fédérateur. Fuck cette bitch qui veut rentrer dans ma tête comme un détraqueur. Dans ce milieu personne va bien. Non c'est pas la joie qui fait de nous des rappeurs. La musique, comme ça que je survis, mon garçon, non c'est pas un hobby. Trouve-moi en haut des montagnes, en train de comploter avec le OG. Jeune femme voudrait qu'on link, elle écoute Django, fuck, j'en ai la phobie. Ouais, je suis né du bon côté, faudrait que je m'excuse, sorry not sorry. Le monde j'ai voulu porter, Mike Tyson, j'ai cassé mon bac. Où t'étais pendant tout ce temps, moi j'ai vu personne comme un cas contact. Le cœur est devenu black, les poumons devenus black. Je trouvais pas ma place dans le quartier, je trouvais pas ma place devant la fac. Pourquoi on parle plus la même langue quand on a juste fini de ken? Thomas, if I won't go back there, but I did it again. 20-18, je voulais plus de cette vie, SO à moi-même d'avoir gardé la foi. Sérieux problème avec les putes, maintenant il m'en faut comme deux à la fois. Ma capuche sur la tête, ce soir j'ai pas trop le cœur à la fête. Mais je casse un tour dans la ville, ce sera juste moi et ma cigarette. Des souvenirs couleur sépia, de quoi sera fait demain, ça je ne sais pas. Je sais juste que ce qui nous rassemble, c'est la même chose qui nous sépare. J'ai porté l'armure trop longtemps, j'ai failli oublier ce qui se trouvait dessous. Beaucoup peuvent pas me sentir, j'ai pas besoin de l'âme pour te couper le souffle. Dans ma tête cherche un truc comme l'éternité seul devant la vague. Mon corps reste immobile pendant que le monde danse à mille dans la valse. Pas de nouveaux amis, ceux qui sont là le sont depuis le parking. Billy l'esprit du fou, le cœur de l'enfant et la gouache à Baki. Là-bas c'est mieux qu'ici, enfin c'est ce qu'on croyait avant de partir. Elle dit qu'elle veut entrer dans ma vie, y'a rien pour toi c'est l'Antarctique. Rien à foutre de Darwin, viens voir chez moi l'homme descend des lions. Dans mes rêves y'a aucun ange mais je me bats avec ceux d'Evangélion. Ça brûle sous les projecteurs et je peux plus cacher mes cicatrices. Mon frérot si j'avais le choix, crois-moi ce serait pas la vie d'artiste.